Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. La phrase clé de la leçon 40 est... Atama ga zuki-zuki shimasu. Ma tête me fait terriblement mal. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna a attrapé un rhume et elle est alitée dans sa chambre. La mère du dortoir, inquiète, vient vérifier comment se porte Anna. Écoutons le sketch de la leçon 40. La phrase clé est... Atama ga zuki-zuki shimasu. Ma tête me fait terriblement mal. Okayo desu yo. Taichou wa dou? Atama ga zuki-zuki shimasu. Sou. Hoshii mono ga atta ra itte ne. Laissez-moi maintenant vous expliquer le sketch. La mère du dortoir a préparé un repas facile à digérer et l'a apporté dans la chambre d'Anna. Okayu desu yo. Voici de la bouillie de riz. Okayu signifie bouillie de riz. Desu est une expression polie qui conclut une phrase. Yo est une particule que l'on ajoute à la fin d'une phrase lorsque l'on apporte un nouvel élément d'information dans la conversation. Si on le compare à okayu desu, okayu desu yo semble mieux nous faire ressentir la chaleureuse bienveillance de la mère du dortoir envers Anna. Est-il plus courant pour les personnes en position d'autorité de dire desu yo dans le cas présent à une personne plus jeune? On peut dire cela, oui. Si un subordonné l'emploie pour parler à son supérieur, il pourrait donner l'impression de vouloir donner un ordre. Retournons maintenant au sketch. La mère du dortoir demande à Anna... Taichou wa dou? Comment te sens-tu? Littéralement, en ce qui concerne ta condition physique, comment est-elle? Taichou signifie condition physique. Wa est la particule qui indique le thème de la phrase. Dou signifie comment. On dit cela lorsque l'on s'enquiert de la condition ou de la situation de notre interlocuteur. Il s'agit d'une question. Il faut donc la prononcer en haussant l'intonation. Si on pose la question poliment, on dit « Taichou wa dou desu ka ?» N'est-ce pas? Oui. Anna répond « Atama ga zuki-zuki shimasu. » Ma tête me fait terriblement mal. « Atama » signifie « tête ».« Na » est une particule qui indique le sujet. « Zuki-zuki shimasu » signifie « avoir terriblement mal ».« Zuki-zuki » est une onomatopée. On peut l'employer lorsque l'on a mal à la tête et qu'on a l'impression d'avoir des palpitations dans la tête. Si on le combine avec « shimasu » faire, ce mot devient un verbe. Peut-on utiliser « zuki-zuki shimasu » pour les autres douleurs que l'on ressent dans notre corps? En effet, on peut l'employer pour les maux de dents, les plaies et les blessures. La mère du dortoir dit à Anna « So ». Je vois, ou vraiment. La mère du dortoir est inquiète pour Anna. Hoshii mono ga attara itte ne. Si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Hoshii est un adjectif qui signifie vouloir. Mono signifie chose. Ga est la particule qui indique un sujet. Attara signifie si vous avez, s'il y a. Mélanie, vous vous rappelez de l'expression « tara » ? On emploie « tara » lorsque l'on veut parler d'une condition. C'est juste. La forme en « ta » du verbe « arimasu » « avoir », »« il y a », qui est « atta » est combinée avec « la » et devient « atara » si tu as, s'il y a. C'est l'expression d'une condition. « Itte » est la forme en « te » du verbe « imasu » dire. Itte est la forme familière de itte kudasai, s'il te plaît, dis-moi. Et dans ce cas, kudasai, s'il te plaît, est omi, n'est-ce pas? C'est juste. Ne est une particule que l'on ajoute à la fin d'une phrase, afin d'exprimer la confirmation. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 40. La phrase clé aujourd'hui est... Atama ga zuki-zuki shimasu. Ma tête me fait terriblement mal. Okayu desu yo. Taichou wa dou? Atama ga zuki-zuki shimasu. Sou. Hoshii mono ga atta ra itte ne. Passons là-dessus à notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons abordé la forme en ta d'un verbe, qui exprime le passé, le fait qu'une action soit accomplie. Jusqu'ici, nous avons appris la forme du dictionnaire et la forme en te des verbes. Quelle serait la meilleure façon de bien saisir les différents modèles de conjugaison des verbes? Demandons à notre professeur. Les verbes japonais sont divisés en trois groupes. Chaque groupe a ses propres modèles de conjugaison. Dans le groupe 1, on retrouve les verbes qui ont la voyelle i dans la syllabe placée devant mas. Kakimasu. Écrire en est un exemple. Lorsque l'on conjugue les verbes de ce groupe, la syllabe qui précède mas change. Conjuguons kakimasu. Écrire à la forme du dictionnaire. Dans ce cas, on remplace ki, la syllabe placée devant mas, par ku, et l'on dit kaku. Pour le conjuguer à la forme en ta, c'est-à-dire au passé, on remplace ki par i et l'on dit kaita. Écrit a écrit. Vous avez appris les leçons de conjugaison des syllabes devant mas avec les chansons de la leçon 12. Veuillez les réviser. Dans le groupe 2, on retrouve les verbes avec la voyelle e dans la syllabe qui précède mas. Tabemasu. Manger en est un exemple. Pour le mettre à la forme du dictionnaire, on remplace mas par lu et l'on dit taberu. Pour le mettre à la forme en ta, on remplace mas par ta et l'on dit tabeta. Manger à manger. Il y a dans le groupe 2 des verbes qui ont la voyelle i dans la syllabe qui précède mas, comme mimasu. Observez, regardez, mais ils sont peu nombreux. Le groupe 3 ne compte que deux verbes. Shimasu. Faire et kimasu. Venir, arriver. Ils se conjuguent de façon irrégulière, mais il n'y en a que deux, alors veuillez mémoriser leur conjugaison. La forme du dictionnaire de shimasu, faire, est suru. Et sa forme en ta est shita. Fait. La forme du dictionnaire de kimasu, venir, arriver, est kuru. Sa forme en ta est kita. Venu, arriver. Nous avons également mis à votre disposition des tableaux de conjugaison des verbes de la forme en te et de la forme en nai sur notre site web et dans le manuel de cette émission. Veuillez vous y référer. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Passons maintenant à notre rubrique Mots descriptifs des sons. Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Zok zok. C'est quelqu'un qui a le nez qui coule? Non. Zok zok. Décrit une personne qui ressent un frisson en raison d'une fièvre. On peut aussi dire zoku zoku pour décrire une personne qui tremble fortement après avoir été terrifiée. À l'opposé, on peut aussi l'utiliser pour décrire une personne qui tremble de joie ou d'excitation. Le mot suivant est utilisé quand quelqu'un ne se sent pas bien. Muka muka. Muka muka. Décrit une personne qui se sent malade et nauséeuse. On l'emploie aussi pour décrire la colère qui monte chez quelqu'un. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons », aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « Zok zok » et « Muka muka ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Au Japon, lorsqu'on n'a pas d'appétit, on vous sert habituellement de la bouillie de riz. Les pommes râpées sont également prisées. Les deux sont douces pour l'estomac et faciles à digérer. Nous espérons que la leçon 40 vous a plu. Notre phrase clé aujourd'hui était... Atama ga zuki-zuki shimasu. Ma tête me fait terriblement mal. La prochaine fois, Anna enverra un courriel en japonais. Ne manquez pas cette leçon.